أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. Donc, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit ce qui signifie le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'à la fin soit le paradis. إذن المسلم عليه أن يزداد في علم الدين، قال تعالى: وقل ربي زدني علما. Donc le musulman, il doit faire preuve d'ardeur pour augmenter en connaissance, comme Allah Ta'ala dit: wa qur rabbi zidni ilma, qui signifie: oh Allah, augmente ma connaissance. إذن تكلم عن أول المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأحاديث والقرآن. ثبت أن أول مخلوقات هو الماء، أول ما خلق الله هو الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله قادر أن يخلق العالم في لحظة كل أنواع، لكن جعل المخلوقات بالترتيب. قال العلماء: ليعلمنا التأني الأمور. الله لا يعجزه شيء، لكن يعلمنا. ورد في الحديث: التأني من الرحمن والعجالة من الشيطان. مع التأني يعمل واحدة واحدة، شيئا فشيئا أشياء. يعني لا ينبغي الإنسان يسرع في أمور الدنيا، أمور الآخرة يسرع في أداء الواجبات، أما في أمور الدنيا شيئا فشيئا. دونك on a dit il a été confirmé dans le hadith et dans le Coran que la première des créatures que Dieu a créées, c'est l'eau. Dieu est tout-puissant, il peut créer l'univers en un instant, avec toutes les créatures. Mais Dieu a fait que les créatures, ils sont rentrés dans donc successivement dans un ordre. Pourquoi ? Pour nous enseigner à faire les choses par étapes. Il a été rapporté le hadith التأني من الرحمن والعجالة من الشيطان. C'est-à-dire faire les choses par étapes, c'est quelque chose que Dieu agrée. Et se presser sans raison, c'est quelque chose que Shaitan il agrée. C'est-à-dire dans les choses de la religion, tu te presses à faire les obligations, à accomplir les... Je ne dis pas après pour faire les obligations, mais pour les choses de cette vie, il ne faut pas se presser, yani tu fais les choses par étapes. Donc, la première des créatures, c'est l'eau. Par exemple, il y a le verset, Allah Ta'ala dit: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. C'est-à-dire, Dieu a fait que toute chose vivante soit à partir de l'eau. وَسُئِلَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سأله جماعة من الناس عن بدء الخلق. أول شيء قال النبي: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. إذن أول شيء قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، معناها الله وحده ما عندوش بداية. قبل الزمان والمكان كان موجودا بلا كيف ولا مكان ولا زمان. الله تعالى كان قبل الخلق، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. يعني أول مخلوقات الماء، ومن الماء خلق الله العرش، اللي هو جسم كبير، والله لا يحتاج لا للماء لا للعرش ولا لأي شيء من خلقه. خلق لحكمة: إن ربك عليم حكيم. خلق الماء ومن الماء خلق العرش. والله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، غني عن العالم. Donc dans le hadith sahih rapporté par al-Bukhari, chapitre début de la création, le prophète il a été interrogé sur le début de la création par un groupe de gens. Il a répondu un hadith. On va expliquer donc, parce que bien sûr, faut, quand on donne le sens en français, il faut donner le sens, le bon sens, c'est pas à traduire à peu près comme ça. Donc il a dit d'abord كان الله ولم يكن شيئا غيره. C'est-à-dire Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. C'est clair et logique, Dieu existe avant l'espace, le temps, avant les créatures. Il n'a pas besoin d'eux. Il n'a besoin de rien, il ne ressemble pas à ces créatures. Ensuite, il a dit que il nous a fait comprendre le prophète والسلام, que Dieu a créé l'eau et à partir de l'eau, il a créé le trône. Donc, première des créatures, l'eau, après, c'est le trône. À partir de l'eau. À partir de l'eau, Dieu a créé le trône. Son trône, il est dans l'eau, c'est ça ? En fait, pas dans l'eau, sur l'eau. Il a été. Sur l'eau, pardon. Ouais. Donc, il est sur l'eau. Donc, que ce soit le trône, le paradis, les prophètes, etc., tout cet univers, toutes ces créatures. Les humains, les anges, les djinns, Dieu n'en a pas besoin. Ça, c'est un point important dans la croyance musulmane. Attribuer à Dieu le besoin contredit la divinité, contredit la croyance musulmane. Les yansab Allah al-haja, il al-makan, ou al-arsh, ou al-makhlouqat, ça ne peut pas être un musulman. C'est un aqidah. Donc, celui qui attribue à Dieu le besoin de ses créatures, ben, ça contredit la croyance musulmane. La croyance conforme à la raison que le créateur il a besoin de rien, évidemment. Et donc l'eau ou le trône donc n'existait pas et Dieu les a fait exister et rien ne le rend incapable subhanahu wa ta'ala. هذه المخلوقات لم تكن موجودة والله خلقها ثم وجدت لها بداية. Donc ces créatures ont un début et seul Dieu n'a pas de début. الله وحده لا بداية له. وكتب في الذكر كل شيء. ثم بعد ورد أنه بعد هذه المخلوقات الله خلق القلم الأعلى. ثالث المخلوقات هو القلم الأعلى. Après la troisième créature c'est القلم الأعلى. C'est une créature que Dieu a créé et qu'on va voir qui lui a ordonné d'écrire sur la table préservée en fait qui est la quatrième créature la table préservée بعد القلم الأعلى اللوح المحفوظ après la القلم الأعلى c'est la table préservée. Donc Dieu a créé cette créature et lui a ordonné d'écrire sans que personne ne la tienne. هذا القلم الأعلى الله خلقه وأمره أن يكتب كل ما يحصل في هذه الدنيا إلى نهايتها. Donc Dieu a ordonné à cet قلم الأعلى d'écrire dans la table préservée tout ce qui aura lieu jusqu'à la fin du monde. Tout est écrit. Donc ça nous fait comprendre la croyance musulmane qui est la prédestination aussi. Et tout ce qui va t'arriver, tu vas faire ça, il va à telle minute, tu vas te blesser, tu vas te piquer, tu vas tomber, tu vas rencontrer telle chose, tu vas t'arriver quelque chose. Un tel, il va s'égarer, après il va revenir sur le bon chemin, etc. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est prédestiné. Et c'est écrit aussi. Kul ma yahsul, khayr wa shar wa insan yulad, insan yaf'al kaza fi yawmi kaza, hadha maktoub fi al-lawh al-mahfouz. كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. يعني إذا كان مكتوب في اللوح المحفوظ من باب أولى أن الله هو قدره. Si c'est marqué dans la table préservée, il y a plus forte raison. Dieu a prédestiné tout ça. Il sait toutes choses avant qu'on arrive. Allah Ta'ala هو قدر كل شيء. كل ما يحصل في هذه الدنيا لا يخرج شيء عن تقدير الله. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a prédestiné. Rien ne sort de ce que Dieu a prédestiné. إذا هذا ما جاء في بدء الخلق. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.